Dans la peau du Léviathan, d'après le livre de Job, chapitre 41. Nul n'est assez hardi pour provoquer le Léviathan. Qui peut me tenir tête? Je décrirai tout haut, les parties de son corps et sa force. Et ses formes magnifiques. Sa double mâchoire, les portes de sa face, qui les a ouvertes. Ses dents autour sont effrayantes. Superbes, sont les lignes de ses écailles, comme des seaux étroitement serrés. Chacune touche sa voisine, elles adhèrent l'une à l'autre. Elles sont jointes. Un souffle ne passerait pas entre elles. Elles se saisissent ensemble et sont inséparables. Ses yeux sont comme les rayons de l'aurore. De sa bouche partent des éclairs, oui, des étincelles de feu s'en échappent. De ses narines sort de la fumée. Son âme embrasse des braises. Devant lui bondit le désespoir. Oui, les plis de sa chair restent collés l'un à l'autre, fondus sur lui, inébranlables. Son cœur est coulé comme de la pierre, dur comme la pierre du moulin. Des tessons acérés forment le dessous de son ventre. Il laisse après lui un sillage de lumière, telle une herse sur le limon. On dirait que l'abîme de l'eau a des cheveux blancs. Il gouverne sur toutes les bêtes sauvages. La bête prison. Nous devenons sa peau, nous sommes ses écailles. Elle est le fruit de nos entrailles. Elle bave. Et sa salive sait notre lâcheté humide. Elle rôte et elle pète, et ce sont nos cris et nos plaintes. Elle ronronne. Et ce sont nos gémissements la nuit. Son écume. Sa jouissance.